Enseigner vous attire ? En France, il manque des enseignants, surtout dans les quartiers prioritaires. Conséquence, ce sont les élèves les moins favorisés qui ont le plus de risques de ne pas avoir de professeur. En matière d'égalité des chances, c'est une catastrophe. Enseigner vous attire ? L'association Le Choix de l'École vous forme pendant vos deux premières années comme enseignant en quartier prioritaire. Rendez-vous sur lechoixdelecole.org. Et si la réponse au réchauffement climatique, à la faim dans le monde et à la production de nourriture, à l'alimentation animale, à la découverte de nouveaux médicaments, à une meilleure santé globale de l'humanité, si tous ces problèmes pouvaient être résolus par le même biais, les algues exploitées de façon marginale à part en Asie du Nord, la culture d'algues pourrait apporter de nombreuses solutions à nos maux contemporains, si l'on en croit un certain nombre de recherches récentes qui suggèrent d'en augmenter drastiquement la production à des seuils industriels. Mais pourquoi cette soudaine ruée vers cette nouvelle or sous-marin, rouge, vert, brun ou bleu? La vague à l'algue, c'est le programme maritime qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner les nombreuses et différentes vertus de ces plantes sous-marines, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment des plantes, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Doumézel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller océan au Pacte mondial des Nations Unies et auteur de La Révolution des algues, c'est aux éditions Équateur. Et Philippe Potin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à la Station biologique marine de Roscoff. Vous êtes tous deux co-directeurs de la première coalition mondiale des acteurs de l'algue, mais on commence par celle qui vient tout juste de se convertir au bain d'algues. D'où cette petite odeur iodée dans le studio. C'est Natacha Trier pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Et on commence par une étude parue dans la revue Science. Nous aurions perdu 90% des manuscrits de la littérature médiévale. Une équipe européenne de médiévistes a voulu estimer la perte et le taux de survie, entre guillemets, des manuscrits des romans de chevalerie médiévaux, pour mieux se rendre compte de l'ampleur de la perte. Mais comment mesurer l'étendue de ce que l'on ne voit pas? Alors pour cela, les chercheurs ont emprunté une méthode bien connue des sciences de l'écologie que l'on appelle un modèle d'espèces invisibles. Cet outil statistique permet aux écologues d'estimer les espèces perdues. Donc à partir des 3600 exemplaires de près de 800 œuvres recensées dans les bibliothèques, ils ont déduit que 9 manuscrits sur 10 ont été perdus au cours du temps et qu'il devait y avoir à l'origine plus de 40 000 copies de 1170 œuvres. Benoît Fontaine travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Office français pour la biodiversité. Pour lui, c'est un bel exemple d'un dialogue entre différentes disciplines scientifiques. Ils ont utilisé une méthode que moi j'ai déjà utilisée quand je fais des inventaires d'espèces sur le terrain, où la question qui se pose à chaque fois, c'est on inventorie des espèces, et puis à un moment on arrête parce que la mission est terminée, et on a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'on a manqué. Est-ce qu'il y a des espèces qui étaient sur place qu'on n'a pas réussi à collecter, et dans quelle proportion? Est-ce qu'on connaît 90% de la faune d'un endroit, ou bien seulement 50%, ou bien 100%? Ce modèle d'espèces invisibles, il fonctionne en partant de l'idée que quand on recherche des entités, ça peut être des espèces dans la forêt ou des manuscrits dans les bibliothèques, plus on passe de temps et plus on a de chances d'avoir tout trouvé. Et si, au bout d'un certain temps, on ne trouve plus rien de nouveau, on peut imaginer qu'on a à peu près fait le tour. Par contre, si au bout du même temps, on trouve encore des choses qu'on n'avait pas trouvées avant, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher, qu'on n'a pas tout trouvé, et donc qu'il reste des choses inconnues. Et donc les manuscrits, il y a des manuscrits qui sont en plusieurs exemplaires dans plusieurs bibliothèques, et puis d'autres qui sont en un seul exemplaire, et puis d'autres qui sont perdus, qui sont dans aucune bibliothèque. Et donc en fait, ils font l'inventaire de tout ce qu'ils vont trouver dans toutes les bibliothèques auxquelles ils ont accès, et ils vont voir au bout de combien de temps ils ne trouvent plus rien de nouveau. Et ça, ce raisonnement, il tient compte aussi de la rareté des objets qu'on cherche, donc là des manuscrits. S'il y a beaucoup de manuscrits qui sont trouvés qu'en un seul exemplaire, on peut imaginer qu'il y a des manuscrits qui étaient en un seul exemplaire et qui ont été perdus. Si tous les manuscrits qu'on trouve sont en beaucoup d'exemplaires, il y a moins de chances qu'il y ait des manuscrits qui étaient en un seul exemplaire et qu'on a perdu. Je suis pas du tout historien, mais ça me fait très plaisir de voir que les sciences dialoguent entre elles. Des écologues qui produisent des connaissances qui sont mises à contribution par des médiévistes, ça me plaît beaucoup. Voilà, et comme vous, tous les jours, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les autres que nous évoquerons au cours de cette heure sur le fil Twitter de notre émission @lamethodefc. Et on passe au bref. Nous avons appris hier le décès du biologiste François Gros. Et ce pionnier de la biochimie cellulaire en France est mort vendredi dernier à l'âge de 96 ans. François Gros a accompagné les transformations de la biologie pendant un demi-siècle. Élève, puis collaborateur du prix Nobel Jacques Monod, directeur général de l'Institut Pasteur entre 76 et 81, conseiller scientifique à Matignon et membre de l'Académie des sciences en 79, c'est en 1961 qu'il publie dans la revue Nature une étude majeure. Il décrypte l'un des mécanismes de la régulation génétique et co-découvre, avec François Jacob, l'existence des ARN messagers intermédiaires. C'est cet acte de baptême de l'ARN messager qui a ouvert la voie à la technologie des vaccins anti-Covid. Voilà, une technologie qui continue de progresser puisque le laboratoire Moderna a annoncé qu'il développait 3 nouveaux candidats vaccins ARN messager. Et fort de son expérience avec son vaccin contre le Covid-19, le laboratoire américain a depuis annoncé qu'il travaillait sur un candidat vaccin ARN messager contre la grippe, contre le virus d'Epstein-Barr et contre le VIH. Moderna vient d'annoncer 3 nouveaux programmes de développement et 3 nouvelles cibles. Avec un vaccin contre le HSV2, le virus à l'origine de l'herpès génital, contre le virus varicelle zona, ainsi qu'un vaccin anti-cancer qui ciblera 2 antigènes connus pour jouer un rôle dans la croissance des cellules tumorales. Et enfin, dans le journal Le Monde, une tribune alerte sur les coupes brutales des subventions aux fouilles archéologiques. 1600 archéologues appellent la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, à revenir sur les baisses de subventions récemment annoncées. Les fouilles archéologiques improgrammées sont en grande partie financées par le ministère de la Culture et représentent environ 0,4% du budget du ministère. C'est donc avec surprise et consternation que nous avons appris que des baisses draconiennes de ces subventions allaient être appliquées dès cette année, de l'ordre de moins 25% à moins 50%. Les signataires évoquent des conséquences désastreuses pour tout le secteur, avec un risque de déclassement de l'archéologie française. Une telle coupe budgétaire consisterait, je cite encore, une très grave faute scientifique et patrimoniale. Merci beaucoup Natacha, demain pour le prochain Journal des Sciences. Le premier One Ocean Summit se tenait il y a une dizaine de jours à Brest en présence d'une vingtaine de chefs d'État et avec pour volonté de mieux préserver les océans, de trouver des réponses pour les exploiter de manière durable et de leur faire jouer un rôle dans la protection contre le changement climatique. Et justement, il se trouve que les océans contiennent une réserve qui à elle seule peut apporter un certain nombre de réponses aux enjeux contemporains qui sont les nôtres, lutte contre la faim, alimentation animale, lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, également rétablissement des écosystèmes endommagés. Cette réserve, eh bien, ce sont les algues. Hormis une culture, et notamment alimentaire en Asie du Nord, les algues sont encore peu exploitées, malgré un nombre d'études scientifiques qui s'accumulent et qui tentent à démontrer leur efficacité dans tous ces domaines. Or, comme vous allez l'entendre, exploiter des algues, ce n'est pas une idée neuve. Nous sommes en 1957, écoutez. Il est encore un peu tôt pour parler de cultures industrielles. Les tentatives n'ont pas quitté le domaine du laboratoire. Pourtant, il me semblait avoir vu récemment des photographies de très importantes cultures de chlorelle. En effet, il y a encore de grandes installations. Les premières sont nées sitôt la fin de la guerre, lorsque beaucoup de chercheurs, à l'instigation de l'Institut Carnegie de Washington, se préoccupèrent d'explorer des cultures nouvelles qui éventuellement apporteraient des aliments aux régions sous-développées. Et alors, on a vu sur le toit d'une usine à Cambridge, dans le Massachusetts, l'installation de cultures dans de grands tubes de matière plastique sur une surface de 60 mètres carrés environ. Il y a eu aussi des essais de cultures à ciel ouvert, en tranchées ou en bassins, celles qui ont été d'abord faites au Japon, à Tokyo, à Gif, en France, sous l'égide du Centre national de la recherche scientifique. Et maintenant, les Japonais sont en train d'installer de telles cultures à ciel ouvert, sur 4000 mètres carrés. Ce sera vraiment la première installation industrielle. Pour conclure, Monsieur Moïse, pensez-vous que nous ayons tiré le meilleur parti des algues ? Certainement pas. Pas plus que nous avons tiré le maximum des plantes vertes. Dans les applications, disons terre à terre, Il est certain que la connaissance de plus en plus poussée de ces organismes s'accompagnera d'utilisations nouvelles. D'autre part, puisque l'homme crée un satellite artificiel, il aura peut-être recours dans cette nouvelle arche de Noé aux végétaux les plus inattendus, tant pour sa consommation que pour la rénovation et la purification de son atmosphère. Merci, Monsieur Moïse. Espérons donc que les algues deviendront bientôt la manne providentielle des populations sous-alimentées et la panacée des futurs voyageurs de l'espace. Voilà, nous sommes dans la tribune du progrès en 1957, comme quoi ça n'est pas une idée tout à fait neuve, Vincent Doumézel. Bah non, visiblement, en effet, oui, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que à partir de quel moment, finalement, vous pensez que cette importance des algues ou la capacité des algues à se substituer à d'autres fonctions des plantes vertes a commencé à émerger dans la conscience collective? Alors, je pense qu'elle a émergé dans la conscience collective il y a 150 000 ans, quand on est devenu des sapiens, puisqu'il est prouvé aujourd'hui qu'on est devenu sapiens, on a un cerveau qui a muté et qui est devenu si grand par rapport à notre masse corporelle, parce qu'on a mangé beaucoup d'acides gras polyinsaturés, qui sont contenus dans les algues et dans les poissons, essentiellement. Et donc, ce qui prouve que notre espèce est une espèce des littoraux, en fait. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, où on est arrivé au bout des ressources disponibles sur Terre, c'est de retrouver ce lien très intime qu'on a eu par le passé avec les océans, sinon on risque bien de ne pas avoir d'avenir sur Terre. Philippe Potin, on en est où aujourd'hui concrètement de l'exploitation des algues? Je crois que 97% des algues exploitées, cultivées, proviennent d'Asie. Oui, essentiellement d'Asie, donc du Nord, donc Japon, Corée du Sud, du Nord et Chine, mais aussi donc l'Asie du Sud-Est et un petit peu aussi l'Afrique de l'Est. Donc c'est essentiellement donc ces pays qui contribuent à produire les 36 millions de tonnes fraîches qui représentent plus d'un tiers de l'aquaculture donc marine donc mondiale en fait. Donc c'est considérable en fait en termes de volume, mais par rapport aux productions terrestres, c'est encore très très minime. Donc cette production, elle est essentiellement basée en Asie parce que elle fournit essentiellement le domaine alimentaire, donc à la fois l'alimentation directe pour tout ce qu'on connaît effectivement de l'alimentation japonaise et toute son influence effectivement dans ces pays et maintenant dans le monde entier avec des feuilles de nori qui font les makis et d'autres algues qui vont faire des soupes et autres salades. Mais aujourd'hui la plus importante en fait de la production mondiale d'algues va dans la production d'ingrédients pour l'agroalimentaire, essentiellement des composés épaississants et gélifiants qu'on trouve dans ces algues rouges qui sont cultivées massivement en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est. Le reste de l'exploitation, Philippe Potin, c'est de l'exploitation de réserves sauvages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu d'exploitation, par exemple, en Europe. Tout à fait. Complètement... pas en opposition, mais du moins en complément de ce qui se faisait donc en Asie. De nombreux pays occidentaux donc étaient dans des zones tempérées, ont exploité effectivement les ressources locales et ont commencé donc à exploiter de manière industrielle dès le XVIe siècle en fait donc des cendres d'algues pour notamment développer l'industrie du verre. Cette industrie du verre en fait a permis la découverte fortuite en fait d'un élément chimique qui était inconnu, qui était l'iode au début du XIXe siècle. Et ça a été de nouveau une petite révolution industrielle avec l'Europe en particulier, mais aussi l'Amérique du Nord qui sont devenus des producteurs d'iode à partir de cendres d'algues. Et jusqu'à ce qu'on trouve d'autres sources pour produire de l'iode beaucoup moins cher, et que là aussi l'industrie rebondisse et qu'elle découvre en fait que ces algues qu'on brûlait, elles sont aussi très riches en gélifiants et en épaississants dont on a besoin pour l'industrie alimentaire qui est en train de se révolutionner complètement. Vincent Doumézel, vous me disiez tout à l'heure avant le début de l'émission que vous y étiez justement à ce One Ocean Summit. Ça veut dire que vous avez pu plaider justement la cause des algues. Aujourd'hui, il y a une conscience qui émerge un peu du côté des pays européens, qu'il y a des ressources là à exploiter qui peuvent faire la différence dans un tas de problèmes qu'on examinera d'ailleurs tout au long de cette heure. Il y a en effet une conscience qui émerge. Alors, elle est très naissante, on va dire. Elle n'est pas encore très très aboutie, notamment pour un pays comme la France qui bénéficie d'un territoire maritime extrême et exceptionnel, de compétences, le deuxième grand monde, tout à fait, de grandes compétences scientifiques. Et l'enjeu, il est vraiment là. Et comme Philippe le disait, de passer de la. C'est pour ça que c'est la révolution des algues. C'est ça. C'est ce qui s'est passé sur Terre il y a 12 000 ans, où on cesse d'être des hommes préhistoriques et des chasseurs-cueilleurs et on devient des cultivateurs sur Terre. Et on commence par les plus bas niveaux trophiques. On commence par les céréales et après on apprend l'élevage et après tout ça. Dans l'océan, on a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit on n'a plus de ressources de la pêche, on n'a plus de ressources terrestres et on va développer l'aquaculture en utilisant des ressources de la pêche et des ressources terrestres. Donc finalement, il n'y a pas eu cet apprentissage des premiers niveaux trophiques. Et le premier niveau trophique dans l'océan, le premier niveau de la chaîne, ce sont les algues. Et donc il faut vraiment passer d'un chasseur-cueilleur à une étape de cultivateur, il faut passer à la culture des algues. Et ça, c'est vraiment cette révolution qui est quasiment une révolution néolithique. Ouais. Et moi, j'y suis venu à ces algues, parce que je viens de l'agroalimentaire, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de nourrir l'humanité aujourd'hui, en effet. Et quand on pense que 70% de la planète est couverte par des océans qui contribuent à 2% seulement de notre alimentation, alors même que 800 millions de personnes meurent de faim, ou que un enfant sur quatre est en situation de malnutrition, donc ne peut pas grandir en bonne santé, Et qu'on a cette espèce de potentiel d'innovation qui est complètement sous-exploité, il faut vraiment passer à une révolution néolithique, à une culture des algues. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc des algues tout au long de cette heure en compagnie de Vincent Doumézel et de Philippe Potin. Peut-être qu'on peut repréciser un peu, Vincent Doumézel, si vous le souhaitez, ce que c'est que les algues, parce que les algues, comme beaucoup de catégories, c'est un petit mot pour un grand groupe et un groupe extrêmement divers. Donc qu'est-ce que ça recoupe concrètement en termes phylogénétiques? Alors, ce qu'on va dire, ce ne sont pas des plantes. En tout cas, il n'y a pas une algue n'aura jamais de fleurs ni de racines. Philippe pourra en parler encore mieux que moi, je le laisserai pas. Mais surtout, les algues sont très très différentes. Donc pour répondre à une question qui revient souvent, la spiruline n'est pas une algue, c'est une algue bleue, qui n'est pas une algue. Donc voilà, on a découvert alors récemment, vous avez le droit à l'erreur tous, que ce n'était pas une algue, c'est une cyanobactérie. Donc la spiruline n'est pas une algue. L'ouvrage que j'ai fait en tout cas traite uniquement des macro-algues. Les micro-algues sont quelque chose de vraiment à part encore, de vraiment très différent. Donc les macro-algues sont vraiment des végétaux. Et on a trois grands types de macro-algues, hein, les vertes, les brunes et les rouges. Et ce qui important de concevoir, c'est qu'il y a 12 000 types d'algues différentes. Et elles sont très très différentes, c'est-à-dire qu'elles sont les plus anciens végétaux, enfin les organismes multicellulaires complexes sur Terre. Elles ont plus d'un milliard d'années. Elles ont évolué de façon très très différente et les algues vertes ont migré sur Terre il y a un demi-milliard d'années seulement. Elles ont donné lieu à tous les végétaux que nous avons autour de nous. Donc aujourd'hui, une algue verte, elle va être beaucoup plus proche d'un cèdre ou d'un sapin que d'une algue rouge. Et la différence entre une algue rouge et une algue verte, elle va être proche de la différence entre un champignon et un mammifère finalement. Donc il y a vraiment une très grande diversité dans ces espèces et une complexité génétique aussi extrême, puisque elles ont développé des techniques pour survivre, de résilience par rapport à leur environnement, qui sont absolument phénoménales et exceptionnelles. Oui. Donc il y a vraiment une très grande diversité, je suis sûr que Philippe... Oui, peut-être on peut rappeler, Philippe Potin, que ce sont les premiers organismes vivants de notre planète, tout simplement. Les premiers organismes vivants de notre planète, ce sont des bactéries. Et justement, l'histoire des algues, elle est intimement liée à des symbioses entre des bactéries. Et on parlait effectivement des algues bleues, les cyanobactéries. Les cyanobactéries, à travers la symbiose qu'elles ont nouée, à travers les premiers organismes qui étaient justement autres que des bactéries, qui se nourrissaient de bactéries, elles ont établi une symbiose. Et c'est ce qui a permis la photosynthèse sur Terre. Donc, avec des lignées qui sont apparues, celles des algues vertes et celles des algues rouges. Donc ça, c'était il y a plus d'1,5 milliard d'années. Ouais, c'est pareil, très très longtemps. Donc. Voilà. Ouais. Et ces lignées, elles ont évolué de manière indépendante, effectivement, depuis ce moment-là. La lignée des algues vertes, elle a donné quelque chose qui est fabuleux pour nous, c'est la lignée verte terrestre. Donc, Toutes les plantes terrestres. Près 500 millions d'années, la conquête effectivement du milieu terrestre par des ancêtres des algues vertes d'aujourd'hui, donc probablement des algues qui étaient proches des caracées. Donc là, il y a encore des recherches à ce niveau-là. Et puis les algues rouges, elles sont aussi assez fabuleuses parce que toute la diversité qu'on trouve aujourd'hui dans le plancton marin, il y a plus de 9 lignées en fait dans le plancton qui dérivent donc d'une symbiose avec une algue rouge ancestrale. Donc il faut s'imaginer effectivement que tout ça, ça se passait au moment où les algues étaient encore à l'échelle d'une seule cellule. Donc elles pouvaient effectivement faire des symbioses assez facilement avec des bactéries, qu'elles pouvaient hériter aussi de gènes à partir de transferts avec les bactéries. Et toute cette histoire évolutive, nous, on la retrace effectivement dans les travaux de recherche qu'on peut mener à Roscoff et dans plein d'autres laboratoires du monde. Et ça a révolutionné notre vision effectivement du vivant et de cette diversité. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est aussi dans ces lignées d'algues que sont apparus donc des organismes pluricellulaires à plusieurs cellules. On connaissait bien sûr donc les champignons et les animaux et bien sûr les plantes terrestres, mais dans les algues, donc que ce soit des algues vertes, des algues rouges ou des algues brunes, elles ont développé cette capacité effectivement à associer des cellules et à faire des organismes complexes. Et dans l'histoire effectivement, notamment des algues brunes, on a toute une originalité en fait qui en fait aujourd'hui la source de toutes les applications qu'on peut faire et aussi qui a rendu ces organismes tellement performants dans les océans. Oui. On peut préciser que les algues sont restées unicellulaires pendant de pendant un très bon moment avant de passer de l'unicellulaire au multicellulaire. C'est assez difficile en fait à évaluer parce que c'est très difficile de trouver des fossiles d'algues très très anciens. On a effectivement des algues rouges calcifiées donc qui accumulent du calcaire dans leurs parois qui sont très bien conservées et qui nous permettent effectivement de remonter à plus de 600 millions d'années. Donc on sait qu'il y avait déjà bien sûr des algues rouges pluricellulaires. Il y a aussi des fossiles de structures pluricellulaires qu'on pense peut-être attribuer à des algues, mais là encore, il y a des travaux actuels qui revisitent en fait justement toute cette évolution qui est pas encore complètement comprise. Justement, et c'est une question centrale en biologie, comment effectivement cette multicellularité a évolué de manière indépendante dans cinq lignées et par quel mécanisme effectivement elle s'est développée. Donc là, mon collègue Marc Hock à Roscoff, c'est le cœur de sa recherche sur les algues brunes. On vous a posté d'ailleurs sur notre fil Twitter un petit tableau phylogénétique où on voit quand et comment se sont séparées les différentes lignées, ce qu'elles ont donné. On peut dire que sur les macro-algues, en tout cas, parce que c'est effectivement, on va pas rentrer dans les micro-algues, on va vous reposter le lien vers l'émission que nous avions consacrée au plancton il y a pas très très longtemps. Une algue, ça s'organise, vous le disiez tout à l'heure, Vincent Domézel, très différemment d'une plante, mais on retrouve quand même des traits communs et caractéristiques à toutes les macro-algues. Tout à fait. On va avoir environ 12 000 types d'algues différents. On aura toujours un crampon, un stipe, des lames. Donc, rappelez-moi ce que c'est. Alors, le crampon, ça va être la structure qui va permettre à l'algue de s'accrocher à son substrat, puisque la plupart des algues s'accrochent à un substrat. Le stipe va être l'équivalent de la tige, et puis les lames ou les tales vont être l'équivalent des feuilles, en fait, qui va être ce que vous voyez sur les plages et l'essentiel et qui souvent constitue la partie comestible de l'algue. Donc, on a la même structure avec les racines, la tige et les fleurs, on a cette structure-là, même si dans le cas du crampon, il n'y a aucun élément nutritif qui passe par le crampon, en fait. Ça ne sert pas à s'alimenter. L'alimentation, elle se fait uniquement par les lames, c'est pas par le crampon. Donc, on n'a pas cette même notion comme pour la racine. Donc, on a quelque chose d'assez, encore une fois, d'assez proche, mais de toute façon, les algues étant l'ancêtre des plantes terrestres, c'est normal qu'on retrouve quelque chose qui soit relativement proche. Et ce qui est intéressant, c'est que à peu près la moitié de la biomasse des algues s'est détachée, et donc c'est là que ça, c'est le point de départ de la chaîne trophique et va se répartir dans tous les océans comme nourriture et comme élément nutritif pour les autres organismes. Exactement, on estime que au cours de la croissance des algues, il y a une part importante de la biomasse qui se détache jusqu'à 50%. En effet, c'est intéressant pour restaurer, pour réparer l'écosystème parce que ça va permettre à vraiment de nourrir les premiers niveaux de la chaîne. C'est intéressant, on y reviendra sans doute, parce qu'aussi il y en a une partie qui va tomber au fond des océans, de cette biomasse, ce carbone transformé en biomasse. Et au fond des océans, il n'y a pas de bactéries pour dégrader ces éléments, ou il y en a très peu, donc ça va rester prisonnier. C'est du carbone qu'on va finalement faire sortir de l'atmosphère pour le ramener au fond des océans, là où nous l'avions mis avant pour faire des choses très simples. Mais donc il y a cette partie-là, cette capacité à représenter un puits de carbone naturel qui renvoie le carbone au fond des océans, ce qui nous intéresse beaucoup, et on était à la COP26 à Glasgow pour travailler sur ce sujet-là. Philippe Potin, il y a des algues à peu près tous les niveaux du plancher océanique. On sait que là, il y a très très vite plus de lumière dans l'océan. Donc, comme on a parlé de chlorophylle, comment ça se passe? Oui, très vite. Donc, effectivement, les algues, elles ne peuvent pas vivre sans lumière et donc sans leur capacité à capter cette lumière. Et donc, tous les trois grands groupes d'algues, donc vertes, rouges et brunes, possèdent de la chlorophylle, qui est le centre effectivement de la photosynthèse. Mais elles vont avoir des pigments, donc qui vont assurer effectivement leur coloration différente, qui vont leur permettre de capter des longueurs d'onde qui pénètrent plus ou moins profond dans l'océan. Donc effectivement, les algues vertes sont celles qui pénètrent le moins profond dans l'océan, ensuite les algues brunes et ensuite les algues rouges. Et donc on peut trouver des algues rouges jusqu'à plus de 200 mètres de fond, donc là où effectivement la lumière pénètre. Des algues brunes, on en trouve en Méditerranée entre 40 et 60 mètres de fond, quand les eaux sont suffisamment froides, et il y a bien sûr suffisamment de lumière dans un système assez pauvre et des eaux peu turbides en Méditerranée, alors que dans des eaux plus turbides, en Bretagne, les algues brunes vont se limiter à 20-25 mètres de profondeur, et encore plus, bien sûr, dans la mer du Nord, encore moins dans la mer du Nord, parce que les eaux seront plus turbides. Donc, effectivement, elles sont capables de coloniser ces zones. Et puis, il y a quelques exceptions, en fait, d'algues qui, aujourd'hui, sont devenues flottantes, en fait. C'est essentiellement des espèces comme donc les sargasses, qui prolifèrent actuellement aux Caraïbes, qui, elles, sont bien sûr dans la couche superficielle, parce qu'elles vont flotter dans les premiers mètres de la couche d'eau. Et là, elles assurent de la photosynthèse, bien sûr, sans problème. Et elles sont très, très bien adaptées à des conditions de lumière importantes. On fait une différence précise entre microalgues et phytoplancton, ou est-ce que c'est des catégories qui se recoupent? Alors, dans le phytoplancton, donc, on a des microalgues, mais on peut aussi avoir d'autres groupes qui donc sont associés à des microalgues, donc des symbioses encore, comme des radiolaires, des acanthères et autres, qui effectivement font la richesse de ces groupes du plancton. Mais on peut considérer que c'est synonyme, sauf que le plancton, on a plutôt le réflexe de l'associer à du plancton marin, mais il y a aussi du plancton lacustre, et il y a des organismes en suspension dans toutes les eaux douces, et que là aussi on a surtout des microalgues en eau douce. On a quelques macroalgues qui se sont adaptées à des conditions d'eau douce, ou qui en tout cas se sont maintenues dans des conditions d'eau douce, mais relativement peu par rapport à des algues unicellulaires. Je vous propose justement qu'on aille les voir, ces microalgues. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu au laboratoire biologie du chloroplaste et perception de la lumière chez les microalgues à l'Institut physico-chimique pour comprendre bien exactement comment les équipes étudient l'adaptation comportementale de ces micro-organismes avec l'évolution de leur milieu. Et oui, avec Amel Boucharka de l'équipe, on a découvert les travaux d'Angela Falciatore et de son équipe, Marianne Jobert, Carole Duchesne et Danny Croto. Alors ensemble, ils étudient plusieurs espèces modèles, dont les diatomées, pour comprendre comment elles s'autorégulent dans le milieu par des mécanismes de photoréception. Alors pour ça, ils reproduisent les paramètres du milieu marin, et notamment l'exposition lumineuse en fonction de la profondeur. Ce sont des travaux au croisement de la biologie, de la génétique et aussi de la physique, qui permettent ensemble d'évaluer comment ces micro-organismes arrivent à s'adapter aux perturbations environnementales. Alors nous, on travaille à la fois sur des cultures qui sont bien établies comme organismes modèles, donc on a deux espèces principales, et on utilise aussi des cultures qui ont été isolées à la station marine de Roscoff, où ils font le travail d'isolation de différentes souches, et on peut commander ces souches là-bas, donc, et on les cultive ensuite au laboratoire. Et en plus des diatomées, on utilise aussi dans le laboratoire des algues vertes, type Chlamydomonas reinhardti, qui n'est pas une algue marine, mais un système d'études, modèle historique pour l'étude de la photosynthèse. Donc ce laboratoire est étudié depuis longtemps au sein de cet institut, et pour comprendre la photosynthèse et le fonctionnement du chloroplaste. On va se diriger dans la salle où Carole réalise ses expériences de photobiologie, des radiations donc de ces microalgues, par exemple. Là, on rentre dans un espèce de frigo. Oui, c'est un frigo à 19 degrés quand même. C'est une chambre qui est thermostatée et où donc on cultive nos microalgues. Donc on en a de différentes espèces. Ah là, oui, on est en face de plein d'étagères avec plein de flacons. Où il y a différentes espèces d'algues, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc aussi bien des diatomées que d'autres algues marines, des Chlamydomonas aussi. On va les regarder au microscope. Alors, ça sont essentiellement des algues marines qu'on a dans cette pièce, à une température de 19 degrés et avec des lumières assez soft, pas trop fort. Voilà. C'est quelle espèce là? Alors là, on regarde une espèce de diatomée qui s'appelle Nitzschia. Et donc, on voit sa forme allongée. Alors juste, je précise, parce que du tout, c'est plus du tout les microscopes. Là, on a un écran qui nous donne l'image directement. On n'a plus besoin d'avoir un oculaire. C'est ça. Donc, on n'a plus besoin de regarder dans les objectifs. Mais bon, on a toujours de quoi régler l'image. Et on a l'image sur un iPad directement. D'accord. Donc, vous manipulez avec une sorte de molette. Donc, le focus se fait ici. On a les objectifs qu'on va changer à la main. Donc ici, on va au x20. Et du coup, là, on les voit. On a posé directement la flasque sur le microscope et les algues ont sédimenté au fond. Donc on peut les observer par en dessous. Et on voit certaines qui commencent à bouger. Vous voyez, elles sont capables de migrer sur le fond de la flasque. On regarde une autre. On voit qu'elles sont différentes là. Oui, donc celles-ci, elles sont pas, n'ont pas du tout la même forme. Elles ont des sortes de pics à chaque extrémité. Là, par exemple, sur celle-ci, on voit qu'il s'agit en fait d'une coque transparente dans laquelle vivent les diatomées. Et cette coque est faite en silice. Donc c'est une des caractéristiques des diatomées, c'est qu'elles ont cette paroi en silice dans laquelle elles vivent. Est-ce que là, c'est, on analyse c'est de la biophysique. Je ne sais pas, Dani. Oui. Je m'appelle Dani Croteau. Dans le cadre de mon doctorat, j'utilise différents appareils, différentes méthodes biophysiques pour étudier la photosynthèse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la lumière pour perturber la photosynthèse des microalgues. Puis, lorsqu'on va utiliser cette lumière-là, il va y avoir des changements soit de différents signaux physiques, donc que ce soit de la fluorescence ou des changements dans le spectre d'absorption de ces algues-là. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à les étudier. D'accord. Donc, c'est des mesures optiques spectrométriques que vous faites? La spectroscopie, oui, fluorimétrie et spectroscopie. Donc, lorsque la photosynthèse va être active, le spectre d'absorption des pigments, il va y avoir certains changements qui vont se produire. Et on arrive à relier ces changements-là à l'état de la photosynthèse, en fait. Et donc là, on est devant un incubateur, c'est ça? Donc oui, on est dans la pièce où on fait toutes les manips de photobiologie. Donc il y a plusieurs types d'incubateurs. Il y en a par exemple où on va étudier les impacts de la photopériode, donc c'est pour l'étude des rythmes circadiens. Donc on a un incubateur qui est en lumière continue par exemple, et d'autres incubateurs qui vont avoir des photopériodes variables. Et ici on a des incubateurs un peu spéciaux où on peut jouer sur la photopériode, mais c'est surtout qu'ils ont c'est sur l'éclairage, ouais, donc les on couleurs en hiver, qu'on va donc on est en, là c'est du bleu, mais on a quatre types de LED qu'on peut utiliser. Donc on a du bleu, on a du rouge, on a du vert. Ah ouais. Et on a même un quatrième lot de LED qui est le rouge lointain, mais ça l'œil humain n'est pas vraiment capable de le percevoir. Et donc sur chacun de ces trois incubateurs, on peut faire des mélanges de différentes longueurs d'onde et étudier comme ça la photoperception. C'est important de mentionner que les couleurs de la lumière change avec la profondeur de la longueur d'onde. Donc les océans sont enrichis en lumière bleue quand on est en profondeur, et en surface on peut voir plus de lumière rouge loin. Donc les rapports des longueurs d'onde dans la colonne d'eau sont très importantes pour les organismes aussi, source d'information de la profondeur. Et ça, c'est la question que Carole effectivement aborde dans son sujet de thèse. Et on arrive à le reproduire du coup avec ces différentes... Oui, on peut essayer de faire différents ratios de bleu, vert, rouge pour essayer de reproduire les champs lumineux, voilà, qui vont être que les diatomées vont rencontrer, ou les algues en général vont rencontrer à différentes profondeurs ou dans différentes conditions, proches des côtes, loin des côtes, avec beaucoup d'autres organismes autour. Bah, tous ces paramètres vont changer le champ lumineux, et on essaye de les reproduire en laboratoire avec ce genre de système d'éclairage. Voilà le reportage du jour sur ces microalgues, les diatomées et leur adaptation en fonction de la luminosité, les études. Une réaction peut-être à ce que vous avez entendu, Philippe Potin? Oui, les collègues donc de l'Institut donc de biologie et chimie de Paris viennent souvent donc à Roscoff effectivement pour réaliser des expériences sur la collection, comme ils l'ont dit. La diversité de l'adaptation dans les diatomées, elle est très grande, puisque on peut trouver des diatomées sous la glace ou effectivement dans des océans tropicaux, et donc c'est important de comprendre effectivement leur adaptation à la lumière, donc et également bien sûr à des fins de les utiliser. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est tous un petit peu des héritiers du professeur Moïse, qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage de 1957, que ce soit les collègues qui travaillent à Paris sur les diatomées ou effectivement les collègues de Roscoff, pour tenter effectivement de pouvoir exploiter le potentiel de tous ces organismes. Les diatomées, c'est des organismes qui sont très riches en acides gras polyinsaturés, donc les fameux oméga 3. Mmh. Et aujourd'hui, en France, on en produit en culture, donc on a besoin effectivement de travaux fondamentaux comme ceux d'Angela Fachatoré pour pouvoir mieux maîtriser la production et surtout la rendre aussi économiquement plus faisable, en fait, parce qu'aujourd'hui, un des obstacles, c'est que la culture de microalgues donc coûte trop cher pour certaines applications. Donc quand c'est dans le domaine effectivement des acides gras, on peut effectivement aujourd'hui cultiver, mais pour d'autres applications, on est limité. Un mot, une réaction également, Vincent Doumézel, ce que vous avez entendu? Non, je ne fais plus fier le sujet. Je m'occupe que des macro-algues. C'est pour ça. Je laisse ces micro-algues à d'autres. On va continuer à s'intéresser à ces algues. On va voir qu'elles peuvent jouer un rôle dans un certain nombre de domaines et de domaines qui nous concernent toutes et tous aujourd'hui, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, mais également de l'alimentation, de la médecine, de la substitution au plastique. Les algues auraient-elles réponse à tout ? Mystère, mais on y répond dans un instant. Muddy Waters, Bottom of the Sea sur France Culture à 16h35. Nous sommes au fond de la mer, également en surface, plein de profondeurs différentes puisque nous parlons des algues tout au long de cette heure en compagnie de Vincent Doumézel qui est conseiller océan au Pacte mondial des Nations Unies, auteur de La révolution des algues chez Équateur, et Philippe Potin, chercheur CNRS à la station biologique marine de Roscoff. Peut-être un premier mot, Vincent Doumézel, sur les questions du réchauffement climatique. Est-ce que les algues en souffrent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des modifications sur les populations dans les différents océans de la planète ? Alors oui, elles en souffrent. On a vu la grande forêt d'algues du monde, ou une des plus grandes en tout cas en Californie, qui a perdu 80% de sa population, générant la disparition de 750 espèces au passage, donc pas rien. De 750 espèces végétales et animales, et terrestres ou maritimes, ouais. Même puisqu'on voit des loutres ou des animaux qui vivent comme ça entre terre et mer, qui ont disparu aussi. Donc on parle d'un et ça c'était la conséquence d'un réchauffement. Donc on voit qu'il y a des forêts d'algues, parce qu'il faut pas parler de forêts d'algues, on parle pas, ce sont des végétaux qui peuvent monter jusqu'à 60 mètres de haut, enfin de hauteur, donc ce sont vraiment plus des arbres ou des forêts que des algues telles qu'on se l'imagine, des herbes en fait, parce que c'est la traduction dans beaucoup de langues, c'est herbe de la mer, du mot algue, et ça, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc on a en effet des forêts qui captent beaucoup de carbone, au moins trois fois plus que les forêts tropicales, qui disparaissent à grande vitesse. Alors après on a des déplacements de population aussi, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on a les algues aiment beaucoup les eaux froides, donc on a des déplacements de population un peu plus vers le nord, où des eaux se libèrent, qui étaient dans la glace se libèrent. Mais globalement, il est à craindre qu'on perde beaucoup d'algues avec ce réchauffement climatique, et il faut faire très attention à ça. Donc c'est pour ça qu'il est important de les planter, de les préserver et de les cultiver. Le taux d'absorption du CO2 atmosphérique serait de 30% à peu près de CO2 atmosphérique qui est absorbé par les populations d'algues, mais on ne sait pas si on comprend très bien, si on comprend le phytoplancton à l'intérieur ou pas. Non, c'est ça qui est un peu... En fait, on pense que donc les océans, globalement, donc entre le plancton et tous les organismes photosynthétiques, que ce soit des macroalgues ou des mangroves ou des herbiers, ont contribué à absorber 80% donc de l'excès de gaz carbonique qu'on a émis dans l'atmosphère donc depuis l'ère industrielle, et que c'est considérable, mais que cette capacité, bien sûr, elle n'est pas infinie, et donc elle a eu pour conséquence aussi de générer donc de l'acidification dans les océans et donc d'autres phénomènes qui apparaissent. Pour lequel effectivement les algues sont bien armées pour y remédier, puisque la photosynthèse va permettre effectivement de diminuer cette acidité, mais elle va le faire donc de manière localisée et pas forcément de manière globale. Et donc si on a justement des écosystèmes où le réchauffement fait disparaître des algues, on va avoir des phénomènes d'acidification qui vont être beaucoup plus accentués. Ouais. Ça va être au détriment, par exemple, de l'utilisation de ces écosystèmes, par exemple, pour produire des coquillages. Donc, on le constate déjà autour de la Bretagne, hein, donc, effectivement, des poches où on va voir des algues qui ont disparu et le pH est en train d'augmenter. Et ça peut devenir préoccupant pour des élevages d'huîtres. Donc là, des collègues de l'IFREMER travaillent justement sur des solutions et ont montré clairement qu'associer des cultures d'algues à des cultures d'huîtres peut permettre de remédier notamment à ces problèmes d'acidification. Et mais pourtant, vous le disiez tout à l'heure, les algues font partie des organismes peut-être les plus résilients de la planète parce qu'ils ont déjà vécu d'autres épisodes et d'autres très grosses modifications climatiques par le passé. Est-ce que cette résilience est suffisante ou pas suffisante? Est-ce qu'on peut l'estimer, ça? Et ben, en fait, à l'échelle donc des temps géologiques, effectivement, les algues ont subi des tas de crises, effectivement, y compris les crises d'extinction, mais aussi les dernières glaciations, mais donc qui ont été beaucoup, des phénomènes beaucoup plus lents que ce qu'on observe donc depuis l'accélération de l'ère industrielle. Et c'est bien cette vitesse-là qui ne permet pas de s'adapter, qui ne permet pas de migrer, même si effectivement on voit des mouvements dans le nord. On observe plutôt des limites donc sud qui sont dans notre hémisphère, hein, bien sûr, qui sont en train de remonter vers le nord plutôt que des expansions vers le nord, même si dans l'Arctique, effectivement, là où certaines algues sont en expansion. Un mot peut-être rapide, Vincent Doumézel, également, parce que on l'évoquait très rapidement tout à l'heure, mais quand on parle disparition ou extinction d'algues, d'un autre côté, on voit par exemple des proliférations comme les sargasses dans les mers des Caraïbes ou les algues vertes en Bretagne. Ça veut dire qu'il y a des espèces qui deviennent invasives ou qui supplantent les autres, ou un dérèglement de certaines espèces par rapport à d'autres? Tout à fait. Alors ça, c'est un point important parce qu'il faut tordre le cou à cette idée reçue que les algues sont un problème et sont une pollution. Elles sont le symptôme d'une pollution qui est une pollution terrestre essentiellement. Donc ces marées d'algues, en effet, les sargasses aux Caraïbes ou vertes en Bretagne, elles sont la conséquence d'un système agricole industrialisé et extrêmement polluant. Et donc l'océan, il réagit en déployant un système immunitaire pour se protéger de cet afflux de nutriments en fait qui vient de la terre. Et ce système immunitaire, ce sont des algues qui absorbent les nutriments pour protéger le biotope de l'océan. Donc donc ces algues, après, elles vont évidemment dériver et arriver dans les baies et s'accumuler dans les baies et détruire les écosystèmes en pourrissant. Mais en soi, ces algues sont bonnes et les algues vertes ont plein d'intérêts, plein de nutriments, plein de choses qui sont intéressantes. Donc il faut voir, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver, c'est un excès d'algues vertes qui est dû à une pollution des sols. Et c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'on pourrait très bien imaginer les valoriser, ces algues vertes, les récolter ou même cultiver d'autres algues pour les utiliser, mais ce serait valoriser une pollution, ce qui ne paraît pas être quelque chose de très intéressant aussi d'un point de vue sur l'aspect du principe, en fait, de mettre en place une industrie qui valorise le fruit d'une pollution. Il faut mieux régler le problème de la pollution. Ouais. Alors, dans votre livre La Révolution des Algues, Vincent Doumézel, vous montrez un certain nombre de points pour lesquels les algues seraient précisément des solutions. Puisqu'on parle du réchauffement climatique, vous dites, bien, si c'est bien simple, il suffit d'augmenter la part d'absorption du CO2 atmosphérique par les algues. Comment on fait ça? Ça veut dire qu'il faut planter, il faut faire des fermes sous-marines. Tout à fait. Ensemencer l'océan. Tout à fait. Il y a différents moyens d'y arriver. Alors déjà, il faut considérer que quand vous allez produire ce que vous allez utiliser, la production que vous allez générer, elle va contribuer à décarboner l'économie, puisque vous allez remplacer le plastique, par exemple. On a 30 startups aujourd'hui dans le monde qui fournissent des produits à base d'algues pour remplacer le plastique. Donc il y a une 30 à l'échelle de la planète, c'est pas encore énorme. Non, mais bon. Mais c'est un début. C'est un début. Il y en avait une il y a 5 ans. Donc voilà, ça avance vite. On pourra remplacer le coton. on pourra remplacer des réduire les émissions de méthane, ce qui est très important, des bovins avec l'alimentation animale à base d'algues. Donc on va contribuer à décarboner l'économie d'un côté. De l'autre côté, on va en effet absorber du carbone, puisque comme tout organisme photosynthétique, plus vous allez en produire, plus il va absorber du carbone. Alors évidemment, il y a une partie de ce carbone qui va être relâché quand vous allez utiliser l'algue, mais l'intérêt, encore une fois, c'est qu'au cours de sa croissance, comme je le disais, l'algue, elle va séquestrer une partie de son carbone au fond des océans, elle va perdre ce carbone qui va tomber au fond des océans, et qui va donc l'algue, elle va plus loin qu'être une ressource neutre en émissions carbone, elle va être négative. C'est une nourriture ou un produit qui va inverser, tendre potentiellement, alors avec toutes les limites que ça représente, à inverser le changement climatique, ce qui d'ailleurs laisse entrevoir quelques dérives avec des projets, notamment dans les pays anglo-saxons, qui souhaitent finalement faire pousser des algues pour uniquement les couler au fond des océans pour absorber un maximum de carbone et contribuer à amoindrir le réchauffement climatique. Et ça, c'est pas une bonne solution, ça. Bah, c'est une bonne solution si la science le permet. C'est-à-dire que pour toutes ces solutions qu'on évoque aujourd'hui, il faut que la science soit en premier lieu. C'est pour ça qu'on a bâti cette coalition des algues en partenariat avec le CNRS et avec Philippe. C'est qu'on veut que la science valide l'innocuité de cette solution. Ouais. Et balancer des tonnes de carbone au fond des océans, il n'est pas évident sur une échelle de temps très réduite, dans des quantités très immenses, quelle va être la réaction en chaîne qui va s'opérer. Il faut le quantifier avant de mettre en place cette solution, c'est ce qu'on dit. Oui, parce que finalement, quand on pense à passer à un stade industriel, on voit bien ce que l'industrialisation a fait à l'agriculture sur Terre. Donc on imagine bien que reproduire le même modèle sous la surface de la mer, ça n'a pas forcément on voit bien qu'en tout cas, sur des exploitations intensives uniques de monoculture, ça déséquilibre complètement les écosystèmes. Exactement. Il va falloir qu'on évite la monoculture, qu'on évite les OGM, qu'on évite les exploitations industrielles. Il va falloir qu'on apprenne la complexité des algues, puisque sur une algue, il y a des avantages, c'est qu'on ne peut pas utiliser de pesticides, on ne va pas avoir besoin de terre, on n'aura pas besoin d'eau douce. Maintenant, il va falloir comprendre la complexité pour la protéger, pour comprendre la croissance. Et je dirais que c'est le principal blocage aujourd'hui, c'est vraiment l'accès de la science, l'accès de la recherche à comprendre comment domestiquer les algues et comment elles vont croître, comment elles vont grandir en se protégeant, etc. Donc il y a vraiment un saut à ce niveau-là, un saut à faire, et il va falloir apprendre à domestiquer la ressource, c'est l'essentiel du problème aujourd'hui. Domestiquer nos algues locales. On a dit qu'il y en avait 12 000 types d'algues. Aujourd'hui, on sait en cultiver entre 10, 20, peut-être 30 dans le monde, mais donc quasiment rien, essentiellement des espèces endémiques asiatiques. Mmh. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à cultiver nos algues endémiques en Europe. Mmh. Philippe Botin, un mot là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des recherches qui donnent des premières solutions? On pense effectivement finalement à des exploitations d'algues qui seraient en parallèle avec des exploitations d'un certain nombre de crustacés, ou enfin en tout cas de faire de la polyexploitation pour recréer finalement des petits écosystèmes qui s'autorégulent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a énormément de petits producteurs donc d'algues, en particulier bien sûr dans les grands pays producteurs, et qui font souvent de la monoculture d'exportation. Or, il y a énormément de problèmes qui se posent dans ces pays-là, que ce soit des problèmes environnementaux ou des problèmes même de nutrition. Et donc aujourd'hui, la réflexion, elle est de savoir quel système comment on peut modifier ce système pour que donc les algues apportent autre chose que simplement des produits à l'exportation, et qu'elles apportent effectivement des aliments pour les populations, qu'elles apportent aussi des nouveaux systèmes intégrés de production, notamment dans des régions où la pêche est en déclin depuis des années, et elle prive effectivement les habitants de revenus. Il y a plus de 3 milliards d'habitants sur la Terre qui dépendent en fait de ces petites pêcheries et justement de cette capacité à pouvoir exploiter au bord de mer des exploitations qui leur permettront d'avoir des sources de protéines, d'avoir des sources d'éléments nutritifs qui sont essentiels, donc, et qui pourraient être consommés localement, qui pourraient recréer des économies locales et donc permettre un développement complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. Alors, il y a une autre partie importante dans votre livre, c'est la question liée à l'alimentation. Alors, il y a deux volets. Il y a l'alimentation animale d'une part, c'est déjà un peu le cas, vous nous l'avez dit, Vincent Doumézel, mais vous dites qu'il faut aussi développer des habitudes et des algues pour de l'alimentation humaine. Mais ça ne va pas sans un certain nombre de problèmes là aussi, c'est pas simple. Bah, c'est pas simple. C'est surtout qu'il faut que chacun vote, je dirais, tous les jours pour le changement. Enfin, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est tous responsables. Là, il faut attendre rien de personne. Il faut que on aille essayer de découvrir. Aujourd'hui, les algues, elles représentent 10% de l'alimentation au Japon, des apports alimentaires. Donc, c'est assez colossal et avec des bienfaits santé qui sont aujourd'hui avérés en termes de. Alors, évidemment, même si c'est toujours multifactoriel, mais en termes de longévité, de l'espérance de vie, enfin, en termes de faible taux de cancer, de diabète, d'obésité ou de maladies cardiovasculaires, on a des chiffres qui sont assez explicites. Donc il y a des chiffres, on peut en citer un parmi tant d'autres, qui sont effectivement assez le taux de cancer du sein chez les femmes japonaises qui est drastiquement plus bas. Tout à fait. Et tout qui fait. Change si les personnes changent le type d'alimentation. Exactement. Les études ont montré ça. Alors, que si les femmes japonaises venaient habiter aux États-Unis et adopter une alimentation occidentale, on retrouvait les taux équivalents. Donc c'est vraiment lié à la consommation qu'on a. Donc un cas sur 38 au Japon, un cas sur 8 dans le reste du monde. Donc c'est quand même une différence assez significative. Non, mais surtout que ce soit sur le diabète, on va retrouver les mêmes choses. Sur l'obésité, on va retrouver les mêmes choses. Encore une fois, c'est tout un ensemble dans l'alimentation. Mais je pense que l'alimentation en Asie, elle a gardé un lien fort avec la santé, qu'on a peut-être un peu perdu quand on est parti dans les molécules de synthèse au niveau de notre médecine. Et ce lien fort entre alimentation et santé, il explique pourquoi la révolution, elle a commencé en Asie. La révolution des algues, elle a commencé, mais finalement, il n'y a pas très très longtemps, cette culture extensive des algues en Asie, elle a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, à grande échelle, pour nourrir les populations, que ce soit à Mao, que ce soit au Japon après la guerre. Mmh. On voit bien que c'est pour nourrir les populations qu'on s'est tourné vers l'exploitation des algues. Et il faut qu'on se tourne, nous aussi, les algues, elles sont des bombes nutritionnelles, elles sont très très riches en protéines. Certaines algues dépassent le soja en protéines, en zinc, en iode, en fer. Mmh. Vous êtes le seul végétaux qui contient de la vitamine B12, qui est tellement importante pour notre cerveau. Et on sait aussi que les algues influent largement notre microbiote environnemental, dont on sait qu'il est extrêmement important aujourd'hui. Il y a le problème de l'iode tout de même, qui fait que tout le monde ne peut pas consommer des algues comme il le veut, parce que les taux d'iode deviennent très élevés, qu'on n'est pas préparé, qu'on n'est pas habitué, parce que simplement on n'a pas ça dans notre alimentation, contrairement à ces populations asiatiques. En effet, les microbiotes asiatiques intègrent un peu mieux l'iode, en tout cas, enfin des plus hauts niveaux que nous. Philippe Potin a l'air de dire que non. Non, en fait, c'est pas tout à fait l'intégration de l'iode. L'iode est un élément qui est effectivement riche en certaines algues sous forme de sel, et donc il est facilement incorporable. Donc le danger, effectivement, c'est de consommer trop d'algues en excès et des algues qui n'auraient pas été préparées pour éventuellement abaisser leur teneur en iode. Dans la plupart des préparations des algues, donc en Asie, la teneur en iode est considérablement diminuée par la cuisine. Mais il faut pas oublier que, en fait, la culture des grandes laminaires qu'on appelle le kombu au Japon, elle s'est développée en Chine pour résoudre un problème qui était celui de la carence en iode dans les populations les plus éloignées de la côte en Chine, et que le programme qu'avait demandé Mao et qui a été développé au départ, c'était d'obtenir des variétés de kombu les plus riches en iode possible pour pouvoir effectivement apporter ça. Cette source. Donc c'est vraiment très très important effectivement de considérer ça. Et qu'aujourd'hui, si on regarde les cas effectivement de problèmes de maladies donc liés à des excès d'iode après consommation d'algues, c'est souvent suite à des consommations de compléments alimentaires, donc des prises vraiment très régulières de poudre d'algues très riches en iode, et que c'est très dangereux effectivement d'absorber des algues comme ça sous forme de compléments alimentaires si on n'a pas de suivi médical, et que il faut plutôt donc consommer des algues, les cuisiner. Et les risques qui sont inhérents à cette consommation-là, d'avoir des éléments en excès, ils diminuent considérablement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Vincent Dominique? Oui, non, mais juste pour conclure ce que dit Philippe. Et en fait, il faut pas oublier non plus qu'on est dans la population française en général assez déficitaire en iode. Hein, on a des problèmes. Qui malgré le fait d'en avoir ajouté dans le sel de table. Bah malgré ça, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des du fait de la transformation excessive des aliments, on a des carences d'iode qui vont se traduire par une sensation de fatigue, de dépression, des problèmes de sommeil, donc des choses dans lesquelles beaucoup d'entre nous se retrouvent sans doute. Et cette carence en iode, en effet, on a une solution qui est là. Il y a cette notion de préparation, comme le dit très bien Philippe. Souvent, on nous dit d'ailleurs, de façon plus générale, on ne trouve pas ça bon les algues. Mais goûter une pomme de terre crue, c'est pas bon. Et en plus, c'est mauvais pour la santé, puisque vous allez vous récupérer plein de mauvaises choses. Donc il faut vraiment apprendre à les cuisiner, à la fois pour en faire quelque chose de bon au niveau gustatif, et aussi pour prévenir les éventuels dangers qu'on pourrait avoir sur la cuisine. Mais il faut savoir qu'aucune algue n'est toxique en soi, contrairement aux plantes terrestres, et que. Donc voilà, donc vous pouvez a priori. Alors, quand on fait la liste, on a un peu l'impression que c'est tout de même la solution miracle à tout, parce que, ne serait-ce que c'est pour parler de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Vincent Demezel, l'alimentation animale, et avec un problème de taille, ce sera d'ailleurs notre émission de mercredi, on va parler du méthane. Vous savez que les élevages intensifs de bovins produisent beaucoup de méthane, que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, beaucoup plus puissant que le CO2. Or, on trouve qu'en ajoutant seulement 0,2% d'une algue rouge dans l'alimentation des bovins, on pourrait réduire 80% des émissions de méthane. C'est ça, c'est ce que les études semblent montrer actuellement, même s'il faut le démontrer maintenant sur la durée. Mmh. Évidemment, en tout cas, on a un impact qui est intéressant parce qu'en plus, le méthane, il est plus puissant, mais il reste beaucoup moins longtemps dans l'atmosphère. Donc, si on la baisse aujourd'hui, l'impact sera dans 10 ans, alors que le carbone, ce sera dans 80 ans. Donc, on a un intérêt. On voit qu'il y a d'autres algues qui pourraient avoir un impact sur la production de méthane chez les bovins. En effet, des algues locales, des algues brunes. Donc, il y a un potentiel d'innovation, et je dirais pas sur la production de méthane, mais aussi sur le besoin en antibiotiques. Finalement, les algues vont faire chez les animaux la même chose que chez l'être humain, c'est-à-dire qu'elles vont améliorer son système immunitaire. Et donc, on voit qu'il y a des filières qui se créent aujourd'hui en France, qui se passent d'antibiotiques grâce à l'utilisation d'algues en alimentation animale. Et quand on connaît les problèmes de l'antibiorésistance, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est pour ça que ça fait un peu la solution miracle à tout, Philippe Potin. Quel est le ver dans le fruit? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché qu'on ne dit pas? Parce que s'il suffit de rajouter 0,2% d'algues dans l'alimentation des bovins pour réduire 80% des émissions de méthane, ce qui est, selon les études que vous citiez, Vincent Doumbézel, l'équivalent de la suppression de la totalité du trafic automobile planétaire, on se dit que il n'y a plus qu'à. Non, il y a effectivement actuellement vraiment des recherches qui sont en cours et avec des études qui peuvent amener à relativiser, parce que effectivement cette petite algue rouge, elle produit une molécule bromée qui est l'essentiel, effectivement, qui a l'action essentielle sur la flore méthanogène des ruminants. Mais cette molécule bromée, elle peut aussi avoir des effets donc physiologiques secondaires sur les organismes. Et donc il s'agit vraiment de comprendre effectivement son mode d'action. C'est pour ça que d'autres algues qui peuvent avoir des compositions un petit peu beaucoup plus moins riches en ces composés bromés, mais qui pourraient avoir des effets assez similaires, voire peut-être un peu moins performants, pourraient être aussi intéressantes. Et surtout, ces algues pourraient être disponibles en quantité beaucoup plus importante que cette petite algue rouge, qui pour l'instant est une algue qu'on trouve à l'état sauvage, donc surtout autour de l'Australie, qui est devenue invasive un petit peu partout dans le monde et qui a causé effectivement pas mal de troubles. Donc de toute façon, cette algue-là, on ne pourra pas la cultiver partout dans le monde, parce qu'on ne va pas commencer à cultiver une algue qui a déjà montré qu'elle était invasive pour en produire plus. Donc, alors, il y a bien sûr des gens qui veulent en produire dans des systèmes clos, mais en produire suffisamment pour tout l'élevage mondial. Donc il n'y a pas une solution miracle, il y a effectivement des apports des algues qui, lorsqu'on travaille de manière intelligente en agriculture et qu'on revient aussi à des systèmes dont on sait qu'ils vont faire produire moins de méthane aux animaux, qu'effectivement des bovins sont élevés plutôt avec de l'herbe qu'avec donc des aliments, des céréales, etc. Qu'aujourd'hui, il y a déjà des algues qui rentrent dans les compléments d'alimentation des bovins. Donc, on n'a pas du tout de recul sur effectivement ce que ça produit, parce qu'on n'a pas été mesuré dans ces fermes qui, justement, sont des fermes avec des systèmes qui essayent donc de maintenir effectivement une alimentation à l'herbe et qui apportent juste des compléments. Est-ce qu'on a moins de production de méthane? Donc, il y a tout ça qu'il faudrait étudier. Donc, non, on n'a pas une solution, on a des solutions effectivement à explorer parmi d'autres, puisque justement aujourd'hui on pourrait faire penser que ces algues apportent une solution naturelle par rapport au problème du méthane, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui cherchent à faire passer des solutions plus avec des produits de synthèse pour réduire aussi cette forme méthanogène. Un mot de conclusion, Vincent Doumbézel. Encore une fois, on se dit qu'il y a quand même vraiment un nombre d'avantages, même si on entend bien qu'il faut poursuivre les recherches. On a très peu parlé, par exemple, de la médecine, mais on a même, vous citez l'exemple d'une algue verte qui pourrait même empêcher quasiment les contaminations au Covid. Donc, finalement, s'il y a tant d'avantages, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces avantages deviennent réalité, qu'on progresse dans ce secteur? Parce que c'est très long, il faut mettre une filière entière en place avec avec la transformation de cette ressource, avec la production de cette ressource, vérifier l'innocuité de la production de cette ressource sur les autres écosystèmes, comprendre comment cette ressource se développe. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, et il a fallu 12 000 ans pour développer l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors on n'aura pas besoin de 12 000 ans, mais on va pas le faire du jour au lendemain non plus. Donc il y a vraiment en premier lieu un besoin de recherche et de financement de la recherche. Il faut, malheureusement, on a un déficit absolument désastreux là-dessus en France, et il faut aussi que chacun dans nos choix du quotidien on vote pour ce changement et on soutienne ce nouveau mode de consommation, et qu'on se reconnecte aux océans qui ont la vie sur Terre est née dans la mer. Il faut pas l'oublier, c'est pour ça que les solutions elles sont là. Vous étiez au ministère de la Transition écologique, vous avez été entendu? Oui. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Philippe Potin, Vincent Doumézel. Vous pouvez suivre cette révolution des algues en lisant donc Vincent Doumézel aux éditions Équateur. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Maria Mioraïm, Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Villefranc, Natacha Triou, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France ou en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.